Chapitre 5. Voyage au navire, commencement du pillage. Ah, disais-je, ma chère femme, je vois s'amonceler devant moi tant de peines et de fatigues, je vois tant de choses à accomplir que je ne sais par quoi débuter. D'abord, un voyage au navire est indispensable, car nous y avons abandonné nos bêtes et une foule d'objets de première nécessité. D'un autre côté, des soins impérieux me retiennent à terre, où je devrais m'occuper de construire une habitation. Ma femme me répondit par ces paroles du Seigneur. Ne remets jamais au lendemain, car chaque jour a ses devoirs et fait chaque chose à son tour. Je décidai que Fritz, comme le plus fort et le plus adroit, m'accompagnerait au bâtiment et que la mère demeurerait à terre avec les autres enfants. « Debout, debout !» m'écriai-je alors. Mes enfants entendirent ma voix et se levèrent lentement. Quant à Fritz, il fut debout en un instant et il accourut aussitôt placer son chacal, que la nuit avait refroidi, debout près de la tente pour jouir de la surprise de ses frères. En le voyant ainsi sur ses jambes, nos docks furieux se mirent à aboyer de toute leur force, ce qui amena bientôt les petits paresseux, curieux de connaître la cause du bruit qu'ils entendaient. Jack parut le premier, le petit singe sur l'épaule, mais l'animal fut si effrayé à l'aspect du chacal qu'il s'enfuit avec rapidité et courut se blottir sous la mousse. Chacun de mes enfants s'en épouvanta de même, et ils décidèrent, Ernest que c'était un renard, Jack un loup, Franz un chien. Mais Fritz, triomphant, leur apprit que c'était un chacal. Lorsque la curiosité se fut un peu apaisée, « Enfant, m'écriai-je, celui qui commence la journée sans invoquer le Seigneur s'expose à travailler en vain. » Tous me comprirent et nous nous jetâmes à genoux. La prière faite, mes enfants demandèrent à déjeuner, mais il n'y avait à leur donner que du biscuit, qui était si sec qu'ils pouvaient à peine le broyer entre leurs dents. Fritz demanda la permission de prendre du fromage, et tandis qu'il allait le chercher, Ernest se glissa adroitement vers celle des deux tonnes que nous n'avions pas encore défoncées. Il reparut au bout de quelques instants d'un air tout joyeux. « Ernest, si nous avions du beurre, cela vaudrait bien mieux, n'est-ce pas ?»« Moi. »« Si, si, un morceau de fromage vaut mieux que tous les six du monde. » « Ernest, allez donc voir la tonne, car j'ai découvert par une fente que j'ai agrandie avec mon couteau qu'elle contient du beurre. » Et nous courûmes tous à la tonne. Nous vîmes en effet qu'il ne s'était pas trompé, mais nous ne savions comment nous y prendre pour profiter de sa découverte. Fritz voulait que nous fissions sauter un des cercles et que l'on défonçât le tonneau. Je m'y opposai, en faisant remarquer qu'alors la chaleur ferait fondre notre beurre, et je m'arrêtai à l'idée d'y faire seulement une petite ouverture, suffisante pour nous permettre d'y puiser, avec une pelle de bois, le beurre nécessaire à nos besoins présents. Mon projet fut bientôt exécuté, et en quelques instants, à l'aide de ma cuillère de noix de coco, nous étendîmes sur notre biscuit cet excellent beurre. Puis nous portâmes les tartines près du feu pour les faire griller. Nos chiens, cependant, couchés près de nous, n'avaient nullement l'air de vouloir partager notre repas. Je remarquai alors que dans le combat de la nuit, ils avaient reçu en plusieurs endroits, et notamment au cou, de profondes blessures. Je recommandai à Jack de frotter leur plaie avec du beurre rafraîchi dans l'eau, ce qui excita les chiens à se lécher, et peu de jours après, il n'y parut plus. Fritz ayant remarqué qu'avec des colliers, ils auraient évité la plupart de ces blessures, Jack se chargea de leur en fabriquer. J'encourageai le petit garçon, dont ma femme se moquait un peu, et je dis à Fritz de se préparer à m'accompagner. En m'embarquant, j'avertis ma famille d'élever une perche avec un morceau de toile à voile. En cas d'accident, ils devaient la battre en tirant trois coups de fusil. Je les prévins aussi que nous passerions peut-être la nuit sur le navire. Nous ne prîmes que nos fusils et des munitions, car nous devions trouver des provisions à bord. Seulement Fritz emporta son petit singe qu'il était impatient de régaler de lait frais. Nous quittâmes le rivage en silence. Fritz ramait de toutes ses forces, tandis que je tenais le gouvernail. Lorsque nous fûmes un peu éloignés, je m'aperçus que le ruisseau formait dans la baie un courant rapide et qui portait vers le navire. Je me dirigeai de ce côté et en trois quarts d'heure, sans trop de fatigue, nous atteignîmes les flancs du bâtiment auquel nous attachâmes notre embarcation. À peine débarqué, le premier soin de Fritz fut de courir aux animaux et de porter près d'une chèvre le petit singe qu'il avait amené. Nous changeâmes l'eau des auges et nous renouvelâmes les provisions dans les mangeoires. Les animaux nous accueillirent avec les plus amicales démonstrations, tant ils étaient heureux de revoir des hommes après 2 jours d'abandon. Nous nous occupâmes alors de chercher pour nous-mêmes quelque nourriture. Lorsque nous fûmes rassasiés, je demandai à Fritz par où nous allions commencer. Il me proposa de faire une voile pour notre embarcation. Cette réponse m'étonna d'abord, car il nous manquait des choses 10 fois plus importantes. Mais il m'expliqua qu'il avait senti pendant le trajet un vent frais qui lui soufflait au visage et qu'il nous aiderait merveilleusement au retour. Je consentis facilement à sa demande et nous nous mîmes à l'œuvre. Une perche assez forte fut fichée dans une planche du bateau et nous disposâmes une voile au sommet. C'était un large morceau de toile figurant assez bien un triangle rectangle suspendu à un moufle et attaché à des cordes que je pouvais manier de ma place près du gouvernail. Ce premier travail achevé, Fritz me supplia d'ajouter au-dessus de notre voile une petite flamme rouge en guise de pavillon, et il se montra pour le moins aussi heureux de faire flotter ce pavillon que de voir la voile s'enfler au vent. Nous fîmes ensuite un petit banc près du gouvernail, et nous fixâmes dans les bords de forts anneaux pour maintenir les rames. Pendant ces travaux, le soir étant arrivé, nous ne pouvions songer à retourner à terre. Nous arborâmes les signaux convenus pour annoncer cette décision à nos gens restés sur le rivage et nous employâmes le reste de la journée à changer les pierres qui lestaient notre embarcation contre une cargaison plus utile. Nous pillâmes tout ce qui nous parut bon. La poudre et le plomb, comme munitions de chasse, eurent la préférence. Ensuite, nous prîmes tous les outils. Notre navire, destiné à l'établissement d'une colonie dans les mers du Sud, était très bien fourni en ustensiles de toutes sortes. Nous étions cependant obligés de faire un choix sévère, attendu la petitesse de notre embarcation. Mais nous n'eûmes garde d'oublier cette fois des couteaux, des cuillères et des ustensiles de cuisine auxquels nous n'avions point songé d'abord. Nous nous pourvûmes de grilles, de chaudières, de broches, de pots, etc. Nous y joignîmes des jambons, des saucissons et quelques sacs de maïs, de blé et d'autres graines. M'étant rappelé que notre coucher à terre était un peu dur, je pris quelques hamacs et les couvertures de laine. Fritz, qui ne trouvait jamais assez d'armes, se munit encore de 2 fusils et apporta une caisse pleine de sabres, de poignards et d'épées. J'embarquai en outre un baril de poudre, un rouleau de toile à voile et de la ficelle ou corde en grande quantité. Nos cuves étaient remplies jusqu'au bord, à l'exception de 2 places étroites que nous nous étions réservées. Nous nous préparâmes alors à descendre dans la cabine pour y passer le reste de la nuit, qui était tombée tout à fait pendant nos derniers travaux. Un feu brillant, allumé sur la rive, nous rassura sur le sort de nos bien-aimés. Pour leur répondre, nous allumâmes 4 grandes lanternes, à l'apparition desquelles ils tirèrent 4 coups de fusil, afin de nous faire comprendre qu'ils les avaient aperçus. Nous nous laissâmes alors aller au sommeil, et nous nous endormîmes en recommandant à Dieu le précieux dépôt que nous avions laissé sous sa protection. Chapitre 6. Le troupeau à la nage, le requin, second débarquement. Le jour commençait à peine à poindre lorsque je montai sur le pont armé d'un excellent télescope que je dirigeais vers la tente pour tâcher d'apercevoir mes enfants pendant que Fritz mangeait à la hâte un morceau. Je ne fus pas longtemps sans voir ma femme sortir de la tente. Nous fîmes flotter un linge blanc et le même signal nous répondit de la rive. Cette vue me rassura et me remplit de joie. Je résolus alors de prendre avec nous le bétail. Je communiquai mon projet à Fritz et nous commençâmes à chercher de concert quels moyens il fallait employer pour transporter au rivage une vache, un âne, une truie près de mettre bas, des moutons et des chèvres. Il proposa d'abord de construire un radeau, mais je lui démontrai l'impossibilité de ce projet. Enfin, après avoir mûrement réfléchi, « Faisons-leur, me dit-il, des corsets natatoires, et ils nous suivront à la nage. »« Bonne idée, m'écriai-je. Allons, à l'ouvrage. » Un mouton fut bientôt entouré de lièges et jeté à l'eau. Nous suivions avec anxiété ce coup d'essai. L'eau sembla d'abord vouloir l'engloutir, et le pauvre animal se démenait comme un possédé, en bêlant d'une manière pitoyable. Mais bientôt, exténué de fatigue, il laissa pendre ses jambes, et nous vîmes avec joie qu'il n'en continuait pas moins à se soutenir sur l'eau. Je sautai de plaisir. « Ils sont à nous » criai-je. « Ils sont à nous !» Fritz alors se jeta à l'eau et ramena à bord le pauvre mouton. Nous nous mîmes à confectionner les ustensiles nécessaires pour soutenir les autres. Deux tonneaux vides, réunis fortement par de la toile à voile, furent fixés sous les flancs de l'âne et de la vache. Nous passâmes 2 heures environ à les équiper de la sorte. Le menu bétail vint ensuite. Rien n'était plus comique que de voir ces animaux ainsi affublés. L'embarras était de les amener jusqu'à l'eau. Heureusement, une ouverture formée par le choc qu'avait reçu le navire nous servit utilement. Nous conduisîmes l'âne jusqu'au bord, puis une secousse inattendue le précipita dans l'eau. Il tomba violemment, mais il se releva bientôt et se mit à nager avec une force et une dextérité qui lui méritèrent tous nos éloges. Pendant qu'il s'éloignait ainsi, nous jetâmes la vache non moins heureusement, et elle se mit à flotter vers le rivage, majestueusement soutenue par ses 2 tonnes. Le petit veau vint ensuite. Le cochon, seul, plus intraitable, nous donna un mal inouï et finit par sauter si loin qu'il s'écarta beaucoup. Quant aux autres, nous avions eu le soin de leur attacher des cordes qui nous permirent de les réunir auprès du bateau. Nous y descendîmes sans perdre de temps et nous rompîmes les liens qui nous retenaient. Le troupeau suivait en bon ordre. Seulement il ralentissait considérablement la marche de notre embarcation, et je m'applaudis alors de l'idée de Fritz et de sa voile, car sans elle, tous les efforts de nos bras n'auraient pu diriger la masse énorme que nous traînions après nous. De temps en temps, les tonnes penchaient soit à droite, soit à gauche, mais les balanciers les remettaient bientôt en équilibre. Nous voguions tranquillement. Fritz, au fond de sa cuve, jouait avec son petit singe qui commençait à se familiariser. Moi, je rêvais à mes bien-aimés, et je dirigeais sans cesse ma lunette vers la terre pour tâcher d'en apercevoir les signaux ou les traces. Tout à coup, j'entendis Fritz me crier d'une voix aiguë. « Mon père, nous sommes perdus. Un énorme poisson s'avance vers nous. » Nous sautons ensemble sur nos armes, qui heureusement étaient chargées, et au même instant, nous voyons passer, avec la rapidité de l'éclair, presque à la surface de l'onde, un monstrueux requin. Fritz fit feu avec tant de bonheur et d'adresse qu'il l'atteignit à la tête. L'animal tourna à gauche et une longue trace de sang nous prouva qu'il était bien touché. Nous nous tîmes toutefois sur nos gardes. Fritz rechargea son fusil et moi je fis force de rame. Mais le reste de la traversée ne fut point troublé et nous abordâmes bientôt dans un endroit où nos bêtes trouvèrent pied et gagnèrent facilement la terre. Nous y sautâmes nous-mêmes et nous commençâmes à dépêtrer notre bétail. J'étais assez inquiet de ne pas voir mes enfants, car il se faisait tard et je ne savais où les chercher. Quand tout à coup un cri de joie retentit, et nous fûmes bientôt environnés de la petite famille qui nous accueillit et tomba dans nos bras. Ma femme admira l'idée que nous avions eue. « Je n'aurais jamais imaginé cet expédient, disait-elle, car je dois t'avouer que je me suis plusieurs fois fatigué la tête en voulant t'aviser au moyen de transporter ce bétail. Je n'en pouvais trouver aucun. Eh bien, lui dis-je, honneur à Fritz, car c'est lui qui l'a trouvé. » Nous nous étions mis à déballer notre cargaison, lorsque Jack vint à nous, majestueusement assis sur le dos de l'âne, entre les 2 tonnes qu'il portait encore. Je m'approchai pour l'aider à descendre, et je m'aperçus alors pour la première fois qu'il avait une ceinture jaune dans laquelle il avait passé de petits pistolets. « Qui a pu t'équiper ainsi ? » « Moi-même. Regardez aussi nos chiens, mon cher papa. » Je remarquai alors que nos 2 braves dogs avaient le cou entouré d'un collier de même peau, hérissé de clous. « Mais comment as-tu pu confectionner tout cela ? La peau de chacal en a fait tous les frais. J'ai taillé le cuir et maman l'a cousu. » Je complimentai mon petit corroyeur sur son adresse, mais Fritz ne put voir sans chagrin l'usage qu'on avait fait de son chacal. Je le réprimandai de sa mauvaise humeur. Fritz ne répondit rien, mais comprenant mon reproche, il détourna les yeux. Tout en causant, je m'aperçus que mon petit Jack exhalait une odeur insupportable et je l'engageai à s'éloigner un peu. Cette remarque lui mit à dos tous ses frères qui lui criaient sans cesse « Plus loin, plus loin !» Mais le plaisir lui bouchait les narines et il n'en tenait aucun compte. Je m'interposai enfin pour lui faire quitter sa ceinture et il aida ses frères à jeter dans l'eau le cadavre du chacal qui commençait à répandre aussi une odeur infecte. Ensuite, comme il n'y avait rien de préparé pour notre souper, je commandai à Fritz de m'aller chercher un jambon. Tous les enfants me regardèrent d'un air étonné, mais leur joie fut extrême quand ils virent leur frère revenir portant un énorme jambon. « Pardonne-moi ma négligence, » me dit alors ma femme. « J'ai là une douzaine d'œufs de tortue. Si tu veux, j'en ferai une omelette. »« Moi, comment ? Des œufs de tortue ?» Ernest, « Mon père, ce sont bien des œufs de tortue. Nous les avons trouvés dans le sable au bord de la mer. » La mer. Oui, et c'est toute une histoire que je vous raconterai si vous voulez bien. Il fut convenu que son histoire prendrait place au dessert, et tandis qu'elle faisait cuire son omelette, nous allâmes débarrasser notre bétail des corsets. Le cochon nous donna tant de mal que Fritz alla chercher les deux chiens qui le prirent chacun par une oreille et le réduisirent bientôt à l'obéissance. Ernest était tout joyeux de trouver un âne pour lui porter ses fardeaux, et il en témoignait hautement sa joie. Cependant, ma femme avait fini son omelette. Nous nous assîmes autour de la tonne de beurre et munis de cuillères, de couteaux, de fourchettes et d'assiettes, nous commençâmes le repas. Nos chiens, nos poules, notre bétail se pressaient autour de nous et se disputaient les miettes de notre festin. Les oies et les canards se régalaient dans le ruisseau de petits crabes et barbotaient à plaisir. Le repas fut gai. Au dessert, Fritz fit sauter le bouchon d'une bouteille de vin des Canaries qu'il avait trouvée dans la chambre du capitaine. J'invitai alors ma femme à nous raconter l'histoire de ses travaux pendant notre absence, et après une pause de quelques instants, elle commença ainsi. Chapitre 7. Récit de ma femme, collier des chiens, l'outarde, les œufs de tortue, les arbres gigantesques. Tu feins d'être impatient d'entendre mon récit, me dit-elle en souriant, et tu ne m'as pas laissé placer un mot de toute la soirée. Mais je n'en perdrai rien. La parole est comme l'eau, plus elle s'est amassée, plus elle coule vite. Le premier jour de votre absence ne vaut pas la peine qu'on en parle, car notre train de vie ne fut nullement changé. Mais ce matin, étant sorti de la tente bien longtemps avant mes enfants, et ayant aperçu votre signal qui me causa une joie extrême, je me pris à réfléchir sur notre position et à rêver aux moyens de l'améliorer. Il est impossible, me disais-je, de rester toute la journée sans abri, au soleil, sur cette terre brûlante. Allons plutôt dans cette vallée ombragée, dont mon mari et Fritz nous ont fait de si belles descriptions. Tandis que je réfléchissais ainsi, mes enfants s'étaient éveillés. Jack, armé d'un couteau qu'il aiguisait de temps en temps sur le roc, s'était glissé près du chacal de Fritz et lui avait coupé sur le dos de larges bandes de peau qu'il travaillait à débarrasser de toutes ses chairs. Je l'aurais laissé faire, mais j'entendis bientôt Ernest lui crier « Oh, le malpropre, le vilain malpropre !»« Comment ? » répliqua celui-ci. « Qu'y a-t-il de sale à faire deux colliers à nos chiens ?» Je m'interposai pour terminer la querelle qui commençait à s'échauffer. Je blâmai Ernest de sa répugnance et j'aidai mon petit bonhomme à terminer son ouvrage, car ses mains et ses habits étaient déjà tout sales. Lorsque les deux bandes furent complètement nettoyées, il les transperça d'une quantité suffisante de longs clous pointus à large tête plate, puis ayant coupé un morceau de toile à voile deux fois aussi large, il l'appliqua en double sur la tête des clous et me donna l'agréable besogne de coudre la toile sur cette peau infecte. Je le remerciai de l'honneur qu'il voulait bien me faire, mais en voyant l'embarras du pauvre petit qui ne savait comment employer le fil et l'aiguille que je lui avais donné, j'eus enfin pitié de lui et je fis ce qu'il voulut. Quand les deux colliers furent terminés, il me pria de lui coudre en outre une autre bande qu'il destinait à lui servir de ceinture pour mettre des pistolets. J'y consentis encore une fois, et quand tout fut terminé, je lui fis observer qu'en se séchant, ses colliers se racorniraient. En conséquence, et d'après les conseils d'Ernest, il les cloua au soleil sur une planche et les laissa dans cet état. Je fis alors part à ma petite famille de mon projet d'excursion, et ce fut une joie pour eux tous d'entreprendre ce voyage avant que leur père et Fritz fussent de retour. Nous nous équipâmes de notre mieux. Au lieu d'un couteau de chasse, je pris une hache, et accompagné des deux chiens, nous partîmes, en suivant, comme vous l'aviez fait, le cours du ruisseau. Conduits par Turc, qui connaissait le chemin, nous arrivâmes bientôt à l'endroit où vous l'aviez traversé. En sautant de pierre en pierre, Ernest fut bientôt à l'autre bord. Jack, dont les jambes étaient plus courtes, le suivit en se jetant dans l'eau quand il ne savait où mettre le pied, au risque de glisser et de boire un coup. Quant à moi, je pris le petit Franz sur mes épaules et passai la dernière. Nous trouvâmes, comme vous l'aviez annoncé, la végétation admirable de ce côté du ruisseau. Et pour la première fois depuis notre naufrage, mon cœur s'ouvrit à l'espérance à la vue de cette superbe nature. Je remarquai surtout un petit bois, à l'ombre duquel je voulus me reposer. Mais pour y atteindre, nous fûmes obligés de traverser des herbes si hautes qu'elles dépassaient la tête de mes enfants et que nous avions toutes les peines du monde à nous y frayer un passage. Cependant, Jack était resté un peu en arrière. Quand je me retournai pour le chercher, je le vis essuyant avec le haut de sa chemise un de ses pistolets et j'aperçus son mouchoir tout mouillé séchant au soleil sur ses épaules. Le pauvre garçon, en traversant le ruisseau, avait inondé tout ce qui était dans ses poches. Tandis que je le blâmais d'y avoir mis ses pistolets, qui par bonheur n'étaient pas chargés, nous entendîmes un grand bruit et nous vîmes s'élever des herbes et s'envoler devant nous un oiseau d'une grandeur prodigieuse. Quand mes deux petits chasseurs stupéfaits se préparèrent à tirer, il était si loin que le coup n'aurait pu l'atteindre. Franz prétendait que c'était un aigle. Ernest lui apprit que ces oiseaux ne nichent pas par terre. Aussitôt mes enfants de se répandre en regret d'avoir manqué une si belle proie. Soudain un second oiseau s'éleva encore des herbes et partit presque sous notre nez. Je ne pus m'empêcher de rire en voyant mes petits chasseurs encore une fois en défaut. Ernest se mit à pleurer et Jack ôta gravement son chapeau, salua le fuyard en lui disant: à une autre fois, seigneur oiseau. » Nous approchâmes de l'endroit d'où il s'était élevé, et Ernest, ayant trouvé un nid grossier rempli de brisées, nous apprit que cette découverte le confirmait dans l'idée que nous venions de voir une outarde, qu'il avait cru reconnaître à son ventre blanc, à ses ailes couleur de tuile et à la moustache de son bec. Tout en conversant, nous avions atteint le petit bois. Des multitudes d'oiseaux de toute espèce voltigeaient dans les branches, et mes enfants tournaient les yeux de tous côtés pour tâcher d'en ajuster quelques-uns. Mais les arbres étaient si élevés que le coup n'aurait sans doute pas porté. « Mais quels arbres, mon ami? Jamais tu n'en as pu voir de si grands. Ce que j'avais pris pour une forêt, c'était un bouquet de 10 à 12 arbres, merveilleusement soutenus en l'air par de forts arcs boutants, formés de racines énormes qui semblaient avoir poussé l'arbre tout entier hors de terre et dont le tronc ne tenait au sol que par une racine plantée au milieu et plus petite que les autres. Jack grimpa sur l'un de ces arcs-boutants et à l'aide d'une ficelle, il en prit la hauteur que nous trouvâmes être de 33 pieds. Depuis la terre jusqu'à la naissance des branches, nous en comptâmes 66 et le cercle formé par les racines avait une circonférence de 40 pas. Les rameaux sont nombreux et donnent une ombre épaisse. La feuille ressemble à celle du noyer, mais je n'ai pu découvrir aucun fruit. Le terrain, tout alentour, est couvert d'un gazon frais et touffu, semé de petits arbustes, ce qui fait de cet endroit un délicieux lieu de repos. Je le trouvai si fort à mon goût que nous résolûmes d'y prendre notre repas. Nous nous assîmes sur l'herbe près d'un ruisseau et nous mangeâmes d'un bon appétit. En ce moment, nos chiens, que nous avions un instant perdus de vue, vinrent nous rejoindre et se couchèrent à nos pieds, où ils s'endormirent sans vouloir partager notre dîner. Après avoir mangé, nous reprîmes le chemin de la tente. Nous ne vîmes rien d'extraordinaire jusqu'au ruisseau, où je remarquai que le rivage était couvert de débris de crabes, et je m'aperçus que nos dogs avaient trouvé eux-mêmes moyen de fournir à leur nourriture, empêchant une espèce de moule dont ils étaient très friands. Cependant, nous continuions à avancer au milieu de débris de poutres et de tonnes vides dont le rivage était couvert. Chemin faisant, Bill disparut tout à coup derrière un rocher. Ernest la suivit et la trouva occupée à déterrer des œufs de tortue qu'elle avalait avec une satisfaction marquée. Nous fîmes nos efforts pour l'éloigner et nous réussîmes à en recueillir environ une douzaine. Ce sont eux qui ont fait les frais de l'omelette que nous venons de manger. » En ce moment, nos yeux se tournèrent vers la mer et nous y découvrîmes une voile qui s'avançait vers nous. Je ne savais que penser. Ernest affirma que c'était vous. Nous courûmes rapidement au ruisseau, nous le franchîmes de nouveau et nous arrivâmes à temps pour tomber dans vos bras. Tel est, mon ami, le récit détaillé de notre excursion. Si tu veux me faire un grand plaisir, nous quitterons cet endroit dès demain et nous irons nous établir près des arbres géants. Nous nous posterons sur leurs branches et nous y serons à merveille. « Bon, ma chère, lui répondis-je, ce sera en effet merveilleux d'aller nous percher comme des coqs sur les arbres à 66 pieds du sol. Mais où trouverons-nous un ballon pour nous y élever ?»« Ne te moque pas de mon idée, répartit ma femme. Au moins nous pourrons dormir en sûreté contre les chacals et autres animaux qui ne penseront point à venir nous attaquer si haut. » « C'est très bien, dis-je, ma chère femme. Mais comment veux-tu monter tous les soirs sans échelle à 66 pieds pour le coucher ? Au moins, pour te consoler, nous pouvons nous établir entre ses racines. Qu'en penses-tu ? Tu as compté une circonférence de 40 pas. Le pas fait ordinairement 2 pieds et demi. Peux-tu me dire combien cela fait de pieds ? » Ernest, après un court calcul, me répondit « 100 pieds ». Je louai mon jeune mathématicien de son habileté. « Un tel arbre, dis-je, doit être appelé le géant des arbres. » Durant cette longue conversation, la nuit était rapidement venue. Nous rentrâmes dans la tente pour y reprendre nos places et nous dormîmes comme des marmottes jusqu'au lendemain matin. Chapitre 8. Le pont. Écoute, dis-je à ma femme, lorsque les premières lueurs du matin nous eurent éveillés tous deux. Ton récit d'hier m'a fait faire de graves réflexions. J'ai sérieusement examiné les conséquences d'un changement de résidence et j'y entrevois de grands inconvénients. D'abord, nous ne trouverons nulle part une place où nous puissions être plus en sûreté qu'ici, ayant d'un côté la mer qui nous apporte en outre les débris du navire auquel il faudra renoncer si nous nous éloignons de la côte, et de l'autre ce ruisseau que nous pouvons aisément fortifier. Tu n'as pas tout à fait tort, mon ami, mais tu ne calcules pas aussi quelle fatigue nous avons ici, nous autres, à nous dérober aux ardeurs du soleil pendant que tu cours en mer avec ton Fritz, que tu te reposes à l'ombre des forêts. Tu ne vois pas la peine que nous avons à recueillir quelques misérables huîtres et le danger où nous sommes d'être attaqués pendant la nuit par des animaux tels que les tigres et les lions, puisque les chacals ont bien pu parvenir jusqu'à nous. Et quant au trésor du vaisseau, j'y renoncerai volontiers pour m'épargner les angoisses où vous me plongez durant votre absence. Tu parles à merveille, repris-je, et cela peut s'arranger. Tout en allant nous établir auprès des arbres géants, nous pouvons nous réserver ici un pied-à-terre. Nous y ferons notre magasin, nous y laisserons notre poudre, et quand j'aurai fait sauter en quelques endroits les rocs qui bordent le ruisseau, personne n'y parviendra sans notre permission. Mais avant tout, il faut nous occuper de construire un pont pour passer nos bagages. Quel besoin d'entreprendre si long ouvrage ? L'âne et la vache porteront nos effets. Je lui démontrai l'insuffisance et le danger de ce moyen, et j'ajoutai que pour nous-mêmes, il fallait un passage plus sûr et plus facile que les pierres qui nous avaient d'abord servi. Elle se rendit à mes remontrances, et notre entretien finit là. Nous éveillâmes les enfants qui accueillirent avec transport l'idée du pont, aussi bien que celle d'émigrer dans cette nouvelle contrée, que nous baptisâmes du nom de Terre Promise. Cependant Jack, qui s'était glissé sous la vache, ayant vainement essayé de la traire dans son chapeau, s'était attaché à ses mamelles pour la téter. « Viens, cria-t-il à Franz, viens auprès de moi, le lait est délicieux. » Ma femme l'entendit, lui reprocha sa malpropreté, puis, ayant trait l'animal, elle nous en partagea le lait. Je résolus alors d'aller au vaisseau chercher des planches pour mon pont, et je m'embarquai avec Fritz et Ernest, dont je prévoyais que le secours me serait nécessaire au retour. Fritz et moi nous prîmes les rames et nous nous dirigeâmes vers l'embouchure du ruisseau dont le courant nous eut bientôt emportés hors de la baie. À peine en étions-nous sortis que nous découvrîmes une immense quantité de mouettes et d'autres oiseaux qui voltigeaient au-dessus d'un flot que nous n'avions pas encore remarqué auparavant et qui faisait un bruit effrayant. Je déployai la voile pour quitter le courant et pour voir quelle cause avait rassemblé là tous ces oiseaux. Ernest, qui nous accompagnait pour la première fois depuis que nous avions touché à terre, regardait avec admiration la voile se gonfler au vent. Mais Fritz ne perdait pas de vue l'îlot et aurait volontiers tiré sur les oiseaux si je ne l'en eusse empêché. « Ah ! S'écria-t-il enfin, je crois que c'est un gros poisson qu'il dévore. » Nous vîmes bientôt qu'il avait raison. « Qui peut avoir amené ce monstre ici ? » continua-t-il quand nous fûmes tout près. « Hier, il n'y en avait aucune trace. » « C'est peut-être le requin que tu as tiré hier, » répondit Ernest, « car sa tête est tout ensanglantée et j'y vois trois blessures. » En effet, c'était lui, et me rappelant combien sa peau était utile, je recommandai d'en prendre quelques morceaux pour nous servir de lime. Alors Ernest tira la baguette de fer de son fusil et frappant à droite et à gauche, tua plusieurs des oiseaux que notre approche n'avait pu écarter. Fritz coupa plusieurs bandes de peau, comme Jack avait fait au chacal, et le tout fut déposé au fond des cuves. Pendant cette opération, je remarquai sur le rivage une quantité de planches que la mer y poussait, ce qui devait nous dispenser d'aller en chercher au navire. À l'aide d'un cri et d'un levier, nous soulevâmes les poutres dont nous avions besoin. Nous les réunîmes en train et nous attachâmes dessus de longues planches de manière à former un radeau. Puis nous levâmes l'ancre pour retourner auprès des nôtres 4 heures après notre départ. Craignant de trouver des bas-fonds près de la côte, je me dirigeai vers le courant qui nous emporta rapidement en pleine mer. Et là, favorisés par un bon vent, nous rangeâmes le vaisseau à notre droite et nous nous dirigeâmes droit vers la terre. Ernest, cependant, examinait avec attention les oiseaux qu'il avait tués. « Quels sont ces oiseaux ? Sont-ils bons à manger ? » ?»« Non, mon ami, ce sont des mouettes, et comme ces animaux se nourrissent de poissons morts, leur chair en prend un goût fade et désagréable. Ils sont si avides qu'ils se laissent plutôt tuer que de quitter la proie à laquelle ils sont attachés. » Des mouettes, la conversation tomba au requin. Fritz s'étonnait de voir sa peau se crisper et se racornir sur le mât où il l'avait accrochée. Je lui répondis qu'elle serait aussi bonne en cet état pour l'usage auquel je la destinais et qu'elle me fournirait la superbe peau si estimée qu'on nomme en Europe chagrin. Tout en conversant, nous étions arrivés dans la baie et nous avions gagné le débarcadère. Mais personne n'était là pour nous recevoir. Cette absence ne nous effraya pas tant que la première fois et nous nous mîmes tous trois à crier. « Hola ! Oh ! » Des cris de joie nous répondirent. Et je vis bientôt accourir ma femme et mes deux jeunes fils qui venaient du côté du ruisseau, portant tous un mouchoir rempli et mouillé. En arrivant près de nous, Jack avait levé son mouchoir en l'air en signe de joie. Il l'ouvrit et j'en vis tomber une quantité de magnifiques écrevisses de rivière. Ma femme et Franz suivirent son exemple et en quelques instants nous fûmes environnés d'écrevisses qui, se sentant libres, cherchaient à s'enfuir de tous côtés. Mes enfants se précipitèrent pour les retenir, et cet incident donna lieu à des éclats de rire inextinguibles. « Eh bien, papa, qu'en dites-vous » me cria Jack. « Nous en avons tant trouvé que c'était effrayant. Il y en avait là au moins 200. Voyez comme elles sont grosses. Est-ce toi qui les as trouvées ? Et comment cela est-il arrivé ? Vous allez voir. Quand vous fûtes parti, je pris le singe de Fritz sur mon épaule, et accompagné de Franz, je me rendis au ruisseau pour chercher un endroit où vous puissiez établir votre pont. Oh oh, ta petite tête a donc quelquefois des idées plus sages. Eh bien, nous irons visiter l'endroit que tu as choisi. Mais continue. Nous marchions toujours vers le ruisseau et Franz ramassait tous les cailloux brillants qu'il rencontrait en disant que c'était de l'or. Il avança ensuite jusqu'auprès de l'eau et je l'entendis soudain crier « Jack, viens donc voir toutes les écrevisses qui sont sur le chacal de Fritz. » J'accourus rapidement. Et je m'aperçus avec étonnement que ce cadavre était encore à la place où nous l'avions jeté et qu'il était couvert d'écrevisses. Alors maman, à qui je courus raconter cette découverte, nous enseigna le moyen de les prendre et nous en avons fait une belle provision, comme vous voyez. « Oui, lui dis-je, aussi laissons s'enfuir les plus petites et remercions Dieu de ce qu'il nous a fait découvrir un pareil trésor. » J'annonçai alors que tandis que les écrevisses cuiraient, nous irions transporter à terre les planches qui formaient le radeau et qui étaient restées dans la baie. Mais nous n'avions pas de charrette et il était impossible de pouvoir transporter à bras ces masses énormes. Je me rappelai alors comment les lapons parviennent à faire tirer à leur reine les plus pesants fardeaux. J'attachai au cou de l'âne et de la vache des cordes qui passaient entre leurs jambes et venaient entourer l'extrémité des poutres. L'expédient réussit à merveille et nos animaux apportèrent toutes les planches une à une à l'endroit qu'avait choisi mon petit ingénieur. La place était vraiment bien trouvée. Le ruisseau y était plus resserré que partout ailleurs, entre deux rives d'égale hauteur, et de chaque côté, des troncs d'arbres semblaient placés pour servir de point d'appui. « Il s'agit maintenant, dis-je alors à mes fils, d'évaluer la largeur du ruisseau pour proportionner les planches. Comment faire ?»« Mais, dit Ernest, demandons à maman un paquet de ficelles au bout duquel nous attacherons une grosse pierre. En la jetant sur l'autre rive et en la ramenant ensuite sur l'extrême bord, nous trouverons facilement cette largeur. » Excellent conseil. Allons, à l'œuvre. Tout fut facilement exécuté et nous trouvâmes une largeur de 18 pieds. Les planches, pour être solides, devaient avoir au moins 3 pieds d'assises de chaque côté. Elles devaient donc avoir 24 pieds. Cependant, tout n'était pas fini et il fallait maintenant amener de l'autre côté ces énormes poutres. Comme nous restions tous aussi embarrassés, je dis à mes enfants, « Allons d'abord dîner. En épluchant nos belles écrevisses, il nous viendra peut-être un moyen. » Tout en surveillant le dîner, notre ménagère avait fait pour l'âne et la vache deux sacs de toile à voile, et comme elle n'avait pas d'aiguille assez forte pour cet ouvrage, elle s'était servie d'un clou. Je la complimentai sur sa patience et son habileté, et nous nous mîmes à table. Mais les morceaux furent dévorés à la hâte, tant nous étions pressés de voir notre pont en bon train. Il se termina pourtant, et personne n'avait pu trouver d'expédient. « Voyons, dis-je avec assurance, si je serai plus heureux que vous. » Il y avait sur le rivage un tronc d'arbre assez fort. Je passai alentour une corde, dont j'entourai aussi une de nos poutres, à quelques pieds au-dessous de son extrémité. À l'autre bout, je fixai une autre corde, puis attachant une pierre, je la lançai de l'autre côté du ruisseau, que je traversai à mon tour, en sautant de pierre en pierre. Ne sachant comment faire passer de même l'âne et la vache qui étaient nécessaires à mon dessein, je pris une poulie que je fixai solidement à un arbre. Je jetai sur la roue de ma poulie la corde que j'avais lancée auparavant et traversant de nouveau le ruisseau en emportant l'extrémité, j'y attelai l'âne et la vache. Ces deux animaux firent d'abord quelque résistance, mais enfin ils marchèrent et la poutre tourna autour du tronc tandis que son extrémité allait toucher l'autre bord. Mes enfants, pleins de joie, s'élancèrent sur ce frêle pont aussitôt qu'il eut touché terre et le traversèrent avec une agilité surprenante, malgré mes craintes et mes efforts pour les retenir. Le plus difficile de notre ouvrage était fait et nous plaçâmes 3 poutres à côté de la première en les faisant glisser sur celle-ci. Puis nous les réunîmes à l'aide de fortes planches. Notre pont avait 8 à 9 pieds de large et pouvait cependant être facilement retiré de manière à interdire le passage du ruisseau. Quand le soir arriva, nous étions si harassés que nous prîmes notre repas et courûmes nous coucher sans entreprendre d'autre travail. Cette journée fut terminée comme les autres par une longue prière à Dieu qui ne nous avait pas abandonnés jusque-là. Chapitre 9. Départ, nouvelle demeure, le porc épic, le chat sauvage. Le matin suivant, mon premier soin fut de rassembler autour de moi ma jeune famille et de lui faire une courte allocution sur les dangers qui pouvaient nous attendre dans un pays dont nous ne connaissions ni les localités ni les habitants, et sur la nécessité de nous tenir bien réunis durant le chemin. Enfin, nous fîmes la prière, nous déjeunâmes et préparâmes le départ. Les enfants s'occupèrent à réunir notre bétail, et l'âne ainsi que la vache furent chargés de sacs, ouvrage de notre ménagère. Nous les remplîmes de tous les objets de première nécessité, de provisions, de munitions, des ustensiles de cuisine, des services de table du capitaine. Nous y ajoutâmes une bonne quantité de beurre. Enfin, nous abandonnâmes le moins de choses utiles qu'il nous fut possible. Après avoir établi l'équilibre entre les deux côtés, je me préparais à jeter par-dessus le tout nos hamacs et nos couvertures, quand ma femme accourut et m'en empêcha, réclamant une place d'abord pour les poules qui ne pouvaient rester seules, ensuite pour le petit Franz qui n'était pas de force à soutenir les fatigues de la route, et enfin pour son sac que nous avions appelé Enchanté et qui pouvait nous être de la plus grande utilité. Je fis droit à sa requête, et comme les paniers de l'âne n'étaient pas tout à fait remplis, j'y glissai son sac merveilleux et j'assis le petit Franz si solidement entre ses paquets que l'âne aurait pris le galop sans grand danger pour lui. Cependant, mes fils donnaient la chasse à nos poules et aucune ne se laissait attraper. Ma femme les railla de l'inutilité de leurs efforts et les pria de la laisser essayer si elle ne réussirait pas mieux qu'eux. En même temps, elle prit dans le sac enchanté deux poignées de graines et s'approcha doucement des volailles en les appelant. Le coq arriva bientôt pour becqueter les graines. Alors ma femme jeta dans la tente tout ce qu'elle en avait, et comme les pauvres bêtes coururent tout de suite, il lui fut facile de les attraper. Nous les attachâmes alors deux à deux par les pattes, et nous les déposâmes sur le dos de la vache, renfermée dans un panier que nous recouvrîmes d'une couverture, afin qu'elles restassent en repos. Nous entassâmes alors dans notre tente tout ce que nous pouvions emporter, et après avoir tracé une enceinte avec des pieux fichés en terre, nous roulâmes tout autour quantité de tonnes vides. Tout étant ainsi disposé, le cortège se forma. Chacun de nous, jeune ou vieux, homme ou animal, prit sa place, l'estait joyeux. Fritz et ma femme ouvraient la marche, la vache, l'âne montée par Franz, venaient après. Les chèvres, conduites par Jack qui portait en outre le petit singe, composaient le troisième corps d'armée. Ernest marchait ensuite, conduisant les moutons, et moi je formais l'arrière-garde. Mes deux dogues, placés sur les ailes, allaient sans cesse de la queue du convoi à la tête, faisant ainsi l'office d'adjudant. Notre petite troupe s'avançait lentement, mais en bon ordre, et avait une mine toute patriarcale. Nous arrivâmes bientôt à notre pont. Là, nous fûmes rejoints par notre cochon qui s'était d'abord enfui et qui vint alors se réunir de lui-même à notre bande, tout en témoignant son mécontentement par des grognements significatifs. Le pont fut traversé, mais à l'autre bout un obstacle imprévu faillit mettre le désordre dans nos rangs. Le gazon épais qui recouvrait le sol tenta si fort notre bétail qu'il se dispersa à droite et à gauche pour brouter. Heureusement, nos chiens le firent rentrer en ligne et l'ordre momentanément troublé fut promptement rétabli. Néanmoins, pour prévenir un second désordre, je fis quitter l'herbe et prendre vers la mer. Nous avions à peine fait quelques pas dans cette direction que nos chiens coururent se jeter dans l'herbe en aboyant de toute leur force comme s'ils eussent eu à combattre quelque animal sauvage. Fritz prit son fusil et les suivit de près. Ernest se serra près de sa mère tout en apprêtant le sien, et Jack l'étourdi, sans même déranger son fusil qu'il avait sur le dos, s'élança sur les traces de Fritz. Craignant de trouver quelque animal féroce, j'armai mon fusil et partis aussitôt dans la même direction. Mais je ne pus les atteindre, et ils arrivèrent bien longtemps avant moi auprès des chiens. J'entendis alors Jack me crier « Accourez, mon père, accourez, il y a là un porc-épic monstrueux !» Quand j'arrivai, je vis en effet un porc-épic, mais de taille ordinaire, assailli par nos chiens et qui, toutes les fois que ses ennemis approchaient, se hérissait soudain d'une forêt de dards dont quelques-uns même s'étaient fichés dans leurs museaux. Cependant, Jack, qui avait armé un des pistolets qu'il portait à sa ceinture, le tira à bout portant dans la tête de l'animal qui tomba mort. « Quelle imprudence !» s'écria Fritz. « Tu pouvais blesser mon père, moi ou un de nos chiens. »« Ah bien oui, blessé. Vous étiez derrière moi, les chiens à côté. Crois-tu que je sois aveugle ?»« Mon pauvre Fritz, interrompis-je, tu es un peu trop brusque. Souviens-toi du proverbe, moi aujourd'hui, demain toi. Puisqu'il n'est rien résulté de l'imprudence de Jack, ne troublons pas sa joie. » Jack, ayant donné deux ou trois coups de crosse à l'animal, pour être bien sûr qu'il était mort, se disposa à l'emporter. Mais il se mit les mains en sang et ne put y parvenir. Alors il prit son mouchoir, l'attacha au cou de l'animal et le traîna jusqu'auprès de sa mère, qui était fort inquiète de notre absence prolongée et du coup de feu qu'elle avait entendu. « Vois, maman, cria-t-il, un magnifique porc-épic que j'ai tué moi-même. Papa assure que c'est excellent à manger. » Ernest, cependant, examinait froidement l'animal et faisait observer qu'il avait les pieds et les oreilles presque comme un homme. J'arrivai à mon tour. « N'as-tu pas craint, en approchant de lui, dis-je à Jack, qu'il ne te passe ses dards au travers du corps ?»« Pas du tout. Je sais qu'ils sont solidement attachés à sa peau et qu'il ne les lance contre personne. » « Et cependant, ne vois-tu pas que nous sommes obligés, ta mère et moi, de débarrasser Turc et Bill des dards qui sont fixés à leur museau ?»« Bon, ils sont allés les chercher eux-mêmes, et ce n'est pas le porc épique qui les leur a lancés. » J'applaudis à mon petit homme, auquel je ne savais pas des connaissances si étendues en histoire naturelle, et je leur fis voir comment les circonstances toutes naturelles avaient pu ainsi donner lieu à des fables. « Mais dis-moi, Jack, » ajoutai-je en terminant, « que faire de ta capture? L'abandonnerons-nous? L'abandonner? Mais ne m'avez-vous pas dit que c'est un très bon mets? Gardons-le, gardons-le !» Je cédai à ses instances et posai l'animal, la tête enveloppée d'herbe, derrière le petit Franz sur le dos de l'âne, à côté du sac de ma femme. Puis nous partîmes. Nous avions à peine fait 200 pas que le baudet se jeta de côté, échappant aux mains de mon fils, et se mit à bondir çà et là, en poussant des cris si grotesques que nous n'aurions pu nous empêcher de rire si la crainte de voir tomber notre petit cavalier ne nous eût trop émus. Je lançai mes deux chiens après le fuyard, qu'ils nous ramenèrent bientôt, mais toujours aussi agités. Nous nous mîmes alors à chercher quel motif avait pu ainsi troubler notre grison, ordinairement si paisible, et nous découvrîmes enfin que les dards du porc-épic avaient percé la triple couverture qui les enveloppait et avaient fini par stimuler notre âne comme des coups d'éperon. Le sac enchanté remplaça la couverture et le voyage reprit son cours. Fritz marchait en avant, le fusil armé à la main, espérant faire de nouveau quelques beaux coups. Mais nous arrivâmes sans autre rencontre aux arbres dont ma femme nous avait parlé. « Quelle merveille !» s'écria alors Ernest. « Comme ils sont grands !» La halte commença. Nous mîmes la volaille en liberté, le cochon aussi, mais avec les deux pieds de devant attachés. Tandis que j'aidais ma femme à décharger nos animaux, nous entendîmes un coup de fusil. Puis, un instant après, un second derrière nous, et la voix de Fritz qui criait « Le voilà ! Le voilà ! Mon père, c'est un chat sauvage !»« Bravo !» lui répondis-je aussitôt que je le vis reparaître, chargé de sa proie. « Tu viens de rendre un grand service à notre poulailler, car c'est un animal bien dangereux et bien friand de volailles. Comment l'as-tu tué ?»« Je l'ai vu sur un arbre. » Et je l'ai abattu d'un coup de fusil. Mais dans un clin d'œil, il s'est relevé et il s'apprêtait à s'élancer quand je lui tirai un coup de pistolet à bout portant. J'espère qu'il est bien plus beau que le chacal que Jack m'a écorché et que mon cher frère ne me l'arrangera pas de même. Oui, c'est, je crois, un margaï d'Amérique. Tu peux d'abord t'en faire une ceinture comme celle de Jack et des quatre jambes, des étuis pour les services de table. Et moi, mon père, interrompit alors Jack. Ne puis-je rien faire de la peau du porc épic? Tu peux en faire aussi des étuis, car Fritz ne pourra nous en donner que 4, et nous sommes 6 à table. Mais je crois que tu feras mieux d'en faire une cotte de maille pour l'un de nos chiens. Mes enfants trouvèrent mes idées si heureuses qu'ils ne me laissèrent aucun repos jusqu'à ce qu'elles fussent mises en œuvre. Ernest, cependant, qui se reposait, tandis que sa mère et le petit Franz s'évertuaient à nous préparer à dîner, me dit « Mais enfin, mon père, de quelle espèce sont ces arbres ? » Nous hésitions entre des mangliers et des noyers, quand ma femme s'aperçut que le petit Franz mangeait une espèce de fruit, et l'entendit dire « Oh, que c'est bon !» Elle courut à lui, les lui arracha des mains et lui demanda « Où as-tu trouvé cela ?»« Dans l'herbe, » répondit-il, « c'en est rempli, les poules et les cochons en mangent. » J'accourus au bruit, et je vis alors que ces beaux arbres étaient des figuiers, car c'était la véritable figue que le petit Franz avait dans les mains. Cependant, craignant encore de me tromper sur la nature de ce fruit, j'ordonnai de consulter notre docteur le singe. On lui apporta quelques-unes des figues, qu'il flaira quelques instants avec des mines fort drôles, et qu'il finit par avaler de bon appétit. Ma femme avait allumé du feu et rempli la marmite d'eau que la flamme avait aussitôt fait bouillir. Nous y déposâmes un morceau de porc épic, tandis qu'un autre fut mis à la broche. Nos regards se portèrent alors vers ces arbres où ma femme voulait établir notre demeure, et nous cherchâmes quelques moyens de parvenir à ces branches si élevées. Tandis que nous étions à nous consulter, ma femme nous appela pour manger la soupe et le rôti de porc épic dont nous nous régalâmes.